sais qu'en elle tout est cassé. L'amour est si fort que rien ne peut l'arrêter. Les morceaux à toi de savoir les recoller. Reprends son cœur et la confiance va régner. Si tu l'aimes, dis-lui que c'est la femme de ta vie. Si tu veux d'elle, dis-lui qu'elle occupe tout le temps ton esprit. Vos seuls mots sont les pleurs dans vos regards. Même si aujourd'hui tu es dans le brouillard, dis-toi bien non qu'il n'est jamais trop tard. Il faut toujours garder une lueur d'espoir. Si tu l'aimes, dis-lui quelle est la femme de ta vie. Si tu veux d'elle, dis-lui qu'elle occupe tout le temps ton esprit. C'est au fond de moi, je triche pas, je te baratine pas. J'ai besoin de toi, ne baisse pas les bras. Oh non non non, c'est au fond de moi, je triche pas, je te baratine pas.